manque un peu les filles. Allez, ouais, ah. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue dans l'émission Johnny de A à Z, ici sur RIG 90.7 FM, RIGFM.fr. Bienvenue pour cette 575e émission de Johnny de A à Z. Et ce soir, on va passer à la au Live TV, deuxième partie. Nous avions quitté Johnny Hallyday en 1973 lors de cette première partie de Live TV. Et on le retrouve dès maintenant, tout de suite, en 1974, dans l'émission Domino du 7 mars 1973. Il était l'invité de Guy Lux sur la deuxième chaîne et bien sûr il chante en direct Trop belle, trop jolie, extrait du nouvel album Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oui, on part sur les chapeaux de roue, c'est tout de suite ça sur RIG, l'émission Johnny de A à Z Live TV. Bonne écoute et bonne soirée à toutes et à tous. We'll be right back. L'émission à présent Top à Johnny Hallyday le 22 juin 1974 sur la première chaîne permet au chanteur de présenter ses nouvelles créations en live intégral accompagné par les orchestres de Tommy Brown et de Gabriel Yared. Les spectateurs découvrent ainsi « J'ai pleuré sur ma guitare »,« Je construis des murs autour de mes rêves » et le titre « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Mais on commence par « Que je t'aime ». Tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé. Quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts. Se fait douce quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux d'un seul coup n'est plus pur, quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas. Reviens. suis, d'où je viens. Ne me pose pas de questions, laisse-moi mon destin. Je suis comme le vent d'été, je ne fais que passer. Tout ce que toi tu m'as donné, je ne l'oublierai jamais. Moi je construis des murs autour de mes rêves. Moi je construis des murs autour de mes rêves. Un jour j'aimais une fille que l'on disait perdue. Le seul amour dans la rue, je l'ai gardé au fond de moi, pur comme un ciel d'été. Pour que le temps n'y touche pas, pour ne pas l'oublier. Pour moi je construis les murs autour de mes rêves. Moi je construis les murs autour de mes rêves. Johnny, le 22 juin 1974, à l'instant, je construis des murs autour de mes rêves. Et là, on va écouter tout de suite « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Vous écoutez Érigé, l'émission Johnny de A à Z ce soir. Live TV, deuxième partie, nous allons de 1974 jusqu'à 1982. Bye.

télévision, c'est le thème de cette soirée, de cette deuxième émission. Je vous ai présenté la première partie le mois dernier pour le live du mois d'avril. Là, nous sommes au mois de mai, donc premier mercredi du mois de mai. Hop, c'est à émission en live. Nous sommes à présent le 21 juin 1975. Le numéro 1 de Johnny, produit par les Carpentiers, permet à Johnny donc d'alterner quelques-uns de ses grands tubes et des titres extraits de son dernier album Rock'n Memphis, comme Dégage, La fille l'été dernier, 37e étage, et on commence par Ma chérie, c'est moi. Et je Je l'ai aidé lors du numéro 1 du 21 juin 1975. Vous écoutez Je l'ai aidé en live sur RG. C'est oui quand il fait noir. Et elle habite au 37ème étage. Et là son serait en rodage. Le monde a deux, trois, quatre étages. Cinq, six, sept, huit, neuf étages. Des choses que je sais chauffer. Encore un autre, je vais trouver. Deux amours, plutôt un autre juste. Et elle vient de m'appeler au téléphone. Elle me demande si je l'aime encore. Je lui garde mon cœur à cette escalade. Je l'aime et les pieds malades. Je vais faire un effort et je monte un, deux, trois, quatre étages. Cinq, six, sept, huit, neuf étages. Des soirées tous je vais souffler. Encore un autre je vais trouver. Oui, besoin d'amour, plutôt un autre jour. Réclamation, il faut trouver une solution. En attendant, je prends les escaliers. Je l'aime et je veux en profiter. Mais peut-être un jour, on trouvera mon corps étendu dans un corridor. Et je monte à deux, trois, quatre étages. Cinq, six, sept, huit, neuf étages. Déchange tout, je suis essoufflé. Encore un autre et je vais crever. Oui, faisons l'amour, plutôt un autre jour. De ce soir, de ce live TV deuxième partie de 1974 à 1982, nous sommes à présent le vendredi 24 décembre 1976. TF1 propose une soirée de réveillon intitulée Retiens la nuit, réalisée par Bernard Lyon. Et en extrait, le medley slow du Palais des Sports de 76 et Noël interdit, version télévision. Tu l'aimes, je sais, tu dis vrai, et pourtant, moi je t'aime bien plus fort en secret. Un matin, quand il partira, quand tu pleuras, j'attendrai afin d'être dans ta vie. Le dernier, oui. Je serai dans ton avenir, loin des souvenirs, pour te faire oublier tes tendres années. Et mes rêves emportés par le vent.

détruire. Le diable est passé de bonheur et mon âme n'est n'ai plus à vendre. Si vous me laissez cette nuit à l'ombre, je vous donnerai ma vie. À quoi me servirait ma vie sans elle? Je n'étais qu'un fou et pas. Les chasseurs et les chiens ont faim, c'est l'heure de sonner la lali. La bête doit mourir ce matin. Je vais ouvrir grand les volets, crevez-moi le cœur, je suis prêt. Je veux m'endormir pour toujours près d'elle. Je n'ai Fou lors de ce numéro 1 que je n'ai aidé proposé le 11 juin 1977. Voici Gabriel présent. Maintenant, j'aimerais vous parler d'une fille. Que vous connaissez très bien. Oui. Je crois même que vous la connaissez très, très, très bien. Vous voyez qui je veux dire ? Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Et l'enfer devient comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Je veux déposer autre chose que le vin de l'amour, et entendre la vie et ne plus m'essouffler sous tes cris. Oh, c'est lui qui veut ma

qu'est-ce qu'elle se croit. Je vais pas pleurer pour elle, mais qu'est-ce qu'elle fait. Dire quelquefois que je l'aime, que je vais aller la chercher. C'est le dernier de mes problèmes, mais qu'est-ce qu'elle fait? Dire qu'elle se prend pour une femme, elle est fragile comme une enfant. Y'a pas de quoi en faire un drame, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle croit m'arracher des larmes. Imaginez son corps brûlé par d'autres mains, par d'autres flammes. Et puis de l'entendre crier qu'elle fasse l'amour à s'en détruire. Ça me fait vivre. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle a laissé ses affaires. Elle va venir les chercher. Et j'ai laissé de la lumière. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Merci Johnny, de nouvelles chansons. Johnny Hallyday qui a commencé cette émission et qui part en tournée pour une grande tournée de 50 jours. Il commence d'ailleurs par la Normandie, ensuite la Bretagne, puisque je crois que mercredi il est à Flers dans l'Orne, ensuite Lorient, Brest, Château-Gontier, Grenoble, Clermont-Ferrand et bien entendu tout le midi de la France. Pendant que vous serez sur les plages de vos vacances, vous pourrez voir le chapiteau et le cirque Hallyday passer. Et oui, Johnny continuait la tournée de l'ange aux yeux de laser, c'est-à-dire le spectacle qu'il avait proposé au pavillon de Paris. Nous sommes à présent le 12 décembre 1981. Johnny chante J'en ai marre dans le numéro 1 dédié à Julio Iglesias. Je ne le savais pas, il fallait m'inviter

mes joies, j'y mets mes peines. Et tout ça, ça me fait le blues. Je le chante autant que je l'aime. Et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur des guitares. Des malheurs, je donne le jour. Pour chanter les peines et les espoirs. Pour chanter Dieu. Et puis l'amour. Et bien ça veut dire que je t'aime. Et que j'ai mal entrevé. Je pleurerai de ce but quand même. C'est ma prière pour te garder.

si déguisé. Moralité religieuse. Ainsi s'achève cette émission Johnny 2 à Z numéro 575, Johnny Hallyday à la télévision de 1974 jusqu'à 1982. Je vous remercie toutes et tous d'avoir écouté et participé à cette émission et vous retrouverez cette émission prochainement en podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. A bientôt à toutes et à tous. Ciao, ciao!